Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les messes à gogo des années 60 et 70. Entre 62 et 65, le Vatican décide de changer sa position face au monde. Et puis, au Québec, ici, ça se traduit, entre autres, par l'idée d'arriver avec des messes à gogo pour profiter de la popularité de la musique yéyé. On veut ramener les jeunes dans les églises. Et donc, ça, les messes à gogo, c'est pas des vraies messes, c'est plutôt des événements ponctuels qui vont se passer le dimanche après-midi, le samedi soir. On invite des groupes à chanter sur des rythmes yéyé, mais des paroles idéalement liturgiques. Comme le raconte le chroniqueur Félix B. Desfossés à l'émission Bouillante culture en avril 2012, cette révolution que sera Vatican II pour l'Église catholique va entre autres se traduire au Québec par l'émergence de ce qu'on va appeler les messes à gogo. Et ces messes seront si populaires qu'elles donneront naissance à un véritable genre musical, un genre musical dont va même s'emparer l'industrie québécoise de la musique. Les gens qui vivent leur christianisme sont assez loin du christianisme. Il faut partir de là où ils sont. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai vu en même temps un groupe de jeunes intelligents, beaux, riches et chrétiens. L'Église est passée du Moyen Âge au Québec à l'époque moderne, parce qu'on était encore en latin. On était encore avec les mêmes chants qu'on chantait au Moyen Âge. Le livre qu'on utilisait, c'est un livre qui datait du 10e siècle. On était encore là. Et avec le Vatican, le Concile du Vatican II, tout d'un coup, on peut faire autre chose que faire ça. Parce qu'avant, on ne pouvait pas. On sentait le besoin d'avoir quelque chose de plus américain. Il y avait une grosse production française, mais avec un petit peu la mentalité américaine, on ne la retrouvait pas. Un peu gogo, là. On voulait sortir du négro spirituel, dans un sens, parce que la musique américaine, ça en est dégagé. Extrait de l'émission « Par les temps qui courent » diffusée en avril 1999 pour nous faire revivre cet épisode des messes à gogo des années 60-70. Je reçois Sébastien Desrosiers, qui est éditeur musical, blogueur spécialisé dans le patrimoine musical québécois. Il a réalisé il y a quelques années la compilation « Résurrection, rock chrétien et messes à gogo du Québec de 1974 à 1978 ». Sébastien Desrosiers, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. De quoi parle-t-on pour les plus jeunes quand on parle des messes à gogo? Eh bien, c'est difficile justement de concevoir peut-être une messe avec un gros contenu musical, mais à une époque, c'était presque nécessaire pour faire en sorte que l'exode cesse, vraiment l'exode des pratiquants dans les années 60 cesse, et qu'on puisse en même temps hameçonner quelque part la jeunesse, justement. Donc, aller insuffler un petit peu de gogo, de yéyé dans la célébration, eh bien... Des messes plus animées. Exactement, c'est messes, ça. Des messes spectacles. C'est un petit peu ça l'idée. Oui, c'est ça. C'est des célébrations spectacles, vraiment, mais qui demeurent quand même respectueuses du dogme et de l'enseignement religieux, mais qui témoignent en même temps d'un changement vraiment majeur dans l'Église à l'époque. Et on l'entendait dans l'extrait qu'on vient d'écouter, ça s'inscrit dans un contexte qui permet ça. C'est cette petite révolution, puis je l'évoquais au début de l'émission, là, le Concile Vatican II, c'est une petite révolution dans l'Église catholique, et c'est dans ce contexte-là qu'on peut commencer à envisager ce genre de messe à gogo. Là. Ah oui, tout à fait, parce qu'entre 1962 et 1965, l'Église catholique va entreprendre une réflexion majeure, comme on le disait, et ça va moderniser quelque part sa mission et son approche, alors que ces pratiques sont appelées à s'éloigner du dogme, comme on disait, pour concrètement revenir à la transmission des évangiles. Et c'est là que ça se passe, là, justement. On passe d'une relation du monde avec le monde moderne, qui est faite essentiellement de méfiance jusqu'à cette époque-là, à une relation de solidarité et avec les communautés. Donc, une Église plus ouverte, exact. Une Église qui va... Parce que Vatican II, c'est par exemple, pour être très concret, c'est la fin des messes en latin. C'est la fin des messes en latin, c'est la fin des célébrations qui sont faites de dos même aux paroissiens. Et c'est aussi le retour de la langue française dans les célébrations aussi. Et ça va être un moment où l'Église va tenter une approche un peu plus vers les croyants et vers les évangiles. On veut essayer de faire vivre les évangiles dans le fort intérieur des croyants, mais aussi à l'extérieur des murs de l'Église. Sur tous les chemins du monde, le Seigneur se tient près de toi. La vie est là qui éclate et qui monte. Le bonheur t'ouvre ses bras. Mais ne le cherche, cherche, ne le cherche pas dans les biens qui n'ont pas d'avenir. Mais ne le cherche, cherche, ne le cherche pas dans la joie qui demain va mourir. Mais chante la joie profonde d'un amour qui n'a pas de saison. Tous les plaisirs du monde ne valent pas une chanson. Mais chante la joie profonde d'un amour qui n'a pas de saison. Mais chante et crie de par le monde, car c'est toi qui as raison. Avant même que n'apparaissent les messes à gogo, avant même Vatican II dont on parlait il y a un instant, Sébastien Desrosiers, il y a des prêtres, celui qu'on vient d'entendre, entre autres le Père Bernard, qu'on surnomme le ménestrel du bon Dieu. Oui, il y a des prêtres donc qui vont commencer à... Lui, c'est en 58 là, qu'il commence déjà. Il y a un premier disque en 58. Il y a des prêtres qui commencent, il y a Sœur Sourire qui va venir plus tard. Mm-hmm. Il y a des religieux qui commencent à chanter la parole du Christ. Exactement, ben oui, c'est ça. Alors, le Père Bernard est quand même un pionnier dans le genre de la chanson un peu chrétienne, légèrement rythmée. Si on veut, au Québec. Il avait fait des études en lettres et aux beaux-arts. Et ce jeune aumônier va se sentir investi de nouveau souffle en découvrant les premiers enregistrements de Félix Leclerc. Ouais. Ben, on est plus justement dans le type chansonnier, là, ce qu'on vient d'entendre. Ouais. Ah, tout à fait. Et Félix Leclerc dans le Vieillé qui viendra plus tard. Ben oui, voilà. Et même Félix Leclerc va lui retourner la faveur en l'invitant l'année suivante. Comme vous l'avez dit, en 58, il va publier son premier disque. Mais l'année suivante, il ouvrira justement pour quelques performances de Félix Leclerc en France. En première partie de Félix Leclerc. Oui, en partie américaine. Donc, il évolue légèrement en marge des boîtes à chansons, mais quand même, c'est un chansonnier à part entière. Il se produit toujours dans sa robe d'étoffe en laine brune des franciscains. Et à l'époque même, on disait que son rythme rock'n'roll est en effet extrêmement rapide, d'où sa très brusque et large popularité, sans que pour autant celle-ci le détourne des exigences formelles de l'apostolat religieux. Ouais. Il va publier internationalement une quinzaine de simples et trois albums jusqu'au milieu Donc, des années 60. Donc, une vraie carrière, ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais il participe aussi à cette mouvance, ces valeurs qui animent déjà les chants qu'on entend chez les scouts, les clubs 4H et les salles des JEC, les jeunesses étudiantes catholiques. Donc, c'est cette musique-là qui va, être chantée dans tous ces groupes. Dis-moi quand tu m'aimes, mon ami. Dis-moi quand tu m'aimes, mon ami. Dis-moi quand tu m'aimes, mon ami. Nous avons d'abord commencé par chanter des chansons qui ne nous appartenaient pas. Je veux dire des chansons que nous empruntions soit aux compagnons de la chanson, soit à Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, à Gilles Vigneault. Et après un certain temps, nous nous sommes dit, tiens, pourquoi pas composer des chansons nous-mêmes? Après tout, nous avons fait certaines connaissances musicales, et puis à force d'écouter des chansons populaires, on s'aperçoit que c'est pas si compliqué que ça. Alors on a commencé à composer nos propres chansons, qu'on a mise sur des rythmes très modernes. C'est ce qui nous intéressait avant tout, tâcher de mettre des paroles qui avaient un sens, pas nécessairement toujours des paroles, disons, typiquement religieuses, mais quand même des paroles qui disaient quelque chose sur des rythmes très modernes, comme par exemple sur des rythmes de mambo, de twist, de rock, de cha-cha, enfin, vous voyez un peu le genre. Quand tu fais de la vie, du Seigneur dans ton cœur. Alors, on est effectivement ailleurs, Sébastien Desrosiers. On a quitté la chanson très chansonnier du Père Bernard. Ça, c'était le début, à la fin des années 50. Mais là, on est plus dans le mambo, dans le yéyé, avec le groupe Les Alléluia. C'est la chanson « Dis-le-moi » qu'on entendait. Et vous entendiez sur cette chanson Bernard Tremblay, le directeur de la chorale du groupe, à l'émission Partage du jour en mars 64. Donc là, vraiment, on est dans de la musique chrétienne, mais à la sauce années 60, à plein. Oui, exactement. Et comme le disait Bernard Tremblay, il fallait du contenu original. Il fallait cesser de reprendre des airs connus et les adapter à la sauce religieuse. Ça prenait des chansons originales. Et ce rythme-là et cette originalité-là va venir de l'Outaouais avec la formation Les Alléluia, entre 1961 et 65. C'est un groupe qui réunissait 13 séminaristes du Scolastica des Pères rédemptoristes de Elmer Est. Et ça, c'est impressionnant parce que vous avez apporté toutes sortes de documents avec vous. Vous êtes un vrai collectionneur, mais de voir ces 13 hommes habillé en soutane, avec une batterie. Il y a quelque chose de vraiment d'un peu contradictoire. Ah oui, tout à fait. On les voit même avec des guitares électriques, ouais, et une contrebasse qui s'était fabriquée eux-mêmes. Alors, l'image était saisissante et pas de doute, hein, vraiment, les patriarches là, du rock chrétien québécois, c'est eux. Et l'étiquette Loma va les signer rapidement et publier trois simples qui vont remporter un succès assez appréciable. Et en 64-65, une tournée va les amener à se produire au lac Saint-Jean, puis dans la région montréalaise, alors qu'on va délaisser progressivement, ouais, les toges pour faire place un petit peu à des cols romains et des cardigans pour être un peu plus de son temps. Et c'est à la même époque qu'un album va être enregistré ici même dans les studios de Radio-Canada et la recette va porter fruit. Hein. Le public va s'intéresser à ce phénomène-là, marginal hein, quand même, mais attribué partiellement à la jeunesse yéyé. Écho Vedette et la presse vont leur consacrer bientôt une pleine page en juillet 64. Et preuve de son succès, l'album va obtenir trois tirages à l'époque, ouais, du jamais vu. Donc là, on commence à avoir une bonne idée de la toile de fond. Cette musique chrétienne qu'on met à la sauce du jour, elle est populaire, on en parle dans les journaux, on l'entend, je présume, un peu à la radio aussi. Quand est-ce que ça commence à investir le lieu sacré, les églises, les premières messes à gogo? Est-ce qu'il ressemble, ça arrive quand? On devrait remonter peut-être au printemps 1965. Les premières messes à gogo, ou les messes rythmées, comme on les appelait à l'époque, les premières que j'ai répertoriées datent d'avril 65. Il n'est pas exclu qu'il y en ait eu d'autres avant. Mais ça, comme on disait, ça nous prenait l'élément rythmique. Alors là, on l'avait déjà. Ouais. Et au départ, ça va être plutôt des initiatives personnelles hein, de la part de certains prêtres qui vont agacer le plus souvent les autorités du clergé. Et l'abbé Zénon Clément va l'apprendre à ses dépens. C'est l'instigateur d'une messe rythmée dans sa paroisse de Saint-Agricole, aujourd'hui Val-des-Lacs dans les Laurentides. Il va insérer quelques titres des Alléluia dans ses célébrations dès avril 65. Parce qu'il disait que la messe, c'est comme une réunion de famille. Tant qu'elle n'est pas intéressante, ce n'est pas la messe. Ouais. Et l'initiative va plaire aux paroissiens, mais sa médiatisation va irriter Mgr Ouellette de Mont-Laurier, qui jugera le tout absolument négatif et va remercier quelques semaines plus tard le curé en l'affectant à d'autres tâches. Carrément. Ah oui. Donc, accueil tiède au début, mais on ne peut pas... Quand le mouvement est parti, ça va continuer, ça va faire des petits dans les églises et sur disque aussi. J'attends toujours un homme qui me racontera. Raconte-moi, raconte-moi. On m'a bien parlé de ce Jésus. Pour nous dépanner serait venu. On en parle encore au coin des rues. Tant de mots et nul ne l'a vu. Vois-tu le bout des semaines? Vois-tu le bout du chemin? Vois-tu le bout de ma peine? J'attends toujours un homme qui me racontera. Raconte-moi. La musique des nocturnes qu'on entend, c'est un bon exemple, les nocturnes, de ce que va devenir cette musique rock chrétienne. À un moment donné, c'est populaire et il y a des gens qui commencent à se dire il faut développer ce créneau-là. C'est un genre musical qui vend bien et il y a un phénomène qui va se développer autour de Cap de la Madeleine. Oui. Cap de la Madeleine, Sébastien Desrosiers, qui va devenir un petit peu le centre de production de pop religieuse dans les années 60-70. Carrément, c'est toute une PME justement qu'il y a à Cap de la Madeleine, qu'on devrait d'ailleurs désigner comme la capitale des messes à gogo à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez Cap de la Madeleine, mais il y a un sanctuaire à Cap-de-la-Madeleine, qui est localisé en banlieue est de Trois-Rivières. C'est un lieu de pèlerinage fort populaire, toujours avec 400 000 visiteurs par année. On y retrouve l'imposante église circulaire de Notre-Dame-du-Cap, autour de laquelle gravite la congrégation des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Et ce sont eux qui vont inaugurer en 1947 la station et le studio Radio Marie, qui va demeurer en opération jusqu'en 1979. Au départ, on y diffuse en direct du sanctuaire différents programmes religieux, bien entendu la prière matinale et le chapelet de fin de journée. Mais 10 ans plus tard, on y enregistre maintenant. On édite et on publie aussi sur des causeries diverses, des chorales, des neuvaines et quelques chansons. Radio Marie va mousser même dès 1959 sa première égérie, la chanteuse et guitariste Jacqueline Lemay, aussi une oblate missionnaire de Marie Immaculée. Et le succès qu'elle va remporter avec ses 45 tours et son premier album de 62 positionne favorablement l'étiquette. Ouais. Mais l'étiquette va se mettre... On essaie de se départir un petit peu de la connotation, entre guillemets, même de l'appellation. On change le nom du studio pour que ça fasse plus moderne, pour que ça fasse plus rock que religieux. Exactement. 1967 a été une année quand même assez mouvementée au Québec. Et les disques RM et Radio Marie n'y échapperont pas. À partir de 67, on les appelle plutôt les éditions RM, comme ils se rebaptisent. Et ils vont recruter un jeune et nouveau directeur artistique, le père André Dumont. Lui-même, déjà auteur-compositeur, c'est sous son impulsion qu'on va développer la collection Jérusalem, une série d'enregistrements spécifiquement créés afin de profiter de l'engouement pour les messes rythmées. On profite aussi de son arrivée pour superviser la distribution des disques de l'étiquette religieuse française SM. Alors, on frappe fort et on domine rapidement le marché niché de la pop religieuse au Québec. Avec une production importante, là. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est considérable. Oui, vraiment. On publie des dizaines et des dizaines d'albums distribués à la grandeur du Québec. Et on met de l'avant des talents locaux comme Léo Boudreau et René Dupéry, un futur compositeur à succès pour le Cirque du Soleil. J'ai pas vraiment de gros problèmes, non. J'ai une blonde qui est jolie. Elle me raconte souvent qu'elle m'aime, mais moi je lui ai jamais rien dit. Et puis de l'autre côté de la rue, y'a les gars avec leur moto. Leur chef il s'appelle Jésus, et moi je trouve qu'il est beau. La pièce Pierre qu'on vient d'entendre est tirée du spectacle de Michel Comte « Aimons-nous les uns les autres » qui est présenté en 1969. Et ça, vraiment, ça vaut le détour. Comment décrire ce spectacle-là, qui est vraiment comme... Il y en aura d'autres, là, mais un peu plus tard, mais une espèce d'apothéose déjà dans le genre rock chrétien. Oui, bien, c'est plutôt un spectacle concept, comme on commence à les imaginer à la fin des années 60. C'est franchement audacieux et c'est construit autour des évangiles. Donc, 2 ans avant, la vague des comédies musicales à succès comme Jesus Christ Superstar ou Godspell, Michel Comte va entreprendre d'actualiser en 17 chansons différents personnages du Nouveau Testament dans un spectacle intitulé « Aimons-nous les uns les autres ». Une espèce d'opéra rock chrétien. Oui, tout à fait. Et on va redécouvrir à l'intérieur de chansons l'apôtre Pierre qui est devenu maintenant commis à l'épicerie. Marie-Madeleine est serveuse dans un petit restaurant et Jésus, le chef d'une bande de motards. Ouais. Ça, là, c'est inimaginable quelques années à peine auparavant. C'est incroyable quand même. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et Comte va en rajouter ses chansons, il va les chanter d'église en église avec ses musiciens en tournée pendant 18 mois. Vêtu de caftans saillants et psychédéliques à travers le Québec et même pendant une semaine à Paris. Si quelqu'un voit son frère et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il naître en sa vie? Sur la terre des hommes, au carrefour des chemins. Extrait de la pièce « Sur la terre des hommes » interprétée par Yvon Hubert. Le phénomène des messes à gogo, Sébastien Desrosiers, va bientôt gagner le petit écran. Yvon Hubert, c'est une manière de vedette dans son domaine. Et Radio-Canada, la télé de Radio-Canada, va aller le chercher carrément. Ah oui, carrément. Ils vont le recruter en 1969 pour montrer que les frontières entre la célébration de la foi et le spectacle semblent se confondre, comme on disait, à la télé le dimanche. Alors, Yvon Hubert, c'est un jeune enseignant capucin, la voix de baryton, comme on l'a entendu, qui utilise à l'occasion la chanson pour habilement transmettre sa pensée. En 69, on va lui offrir d'animer à la télévision l'édition estivale de la messe dominicale télévisé dans le cadre du programme Le Jour du Seigneur à Radio-Canada, en couleur et en direct de Québec. Et son arrivée va marquer un changement de cap pour l'émission et son approche rafraîchissante lui vaudra de poursuivre l'animation en 1970, cette fois à Montréal, en compagnie de François Dompierre et de ses musiciens. Et on ose et on propose occasionnellement des messes extérieures, des prestations, et même en avril 70, sans Hubert, cela dit, une célébration en direct de la centrale thermique de Tracy. Alors, incroyable. C'est vraiment pas banal. Ouais. 72, on va le retrouver, Yvon Hubert, avec, je parlais d'apothéose tout à l'heure, ça c'est un autre grand moment dans l'histoire des messes à gogo et du rock chrétien, le groupe Offenbach, qui va décider de faire un spectacle rock chrétien. Oui, bien, pendant quelques années, Yvon Hubert va rouler sa bosse avec François Dompierre, publiant 4 albums en français et 2 en anglais. Il va se faire remarquer, là, vraiment, avec son spectacle Spirisphère et ensuite Spirisphère 2 avec des projections multimédia. Vraiment, il met la totale là, dans ses spectacles. Et bientôt, bien, ça va trouver écho quand même auprès de Offenbach, à qui on va présenter Hubert en 72. Et lui, qui faisait tout pour vivre sa spiritualité au présent, bien, Offenbach va lui demander d'officier une cérémonie à l'ancienne, en latin. Alors, un drôle de retour en arrière. Et la rencontre inespérée du prêtre chantant et des rockeurs souhaitant investir l'oratoire Saint-Joseph annonce déjà ce spectacle comme l'ultime manifestation des messes rythmées québécoises. Leur messe rythmée des morts, plus précisément, sera présentée qu'une seule fois, le 30 novembre 72, devant une foule estimée à 3000 spectateurs. Mais là-dessus, la troupe de Jerry Boulet touche presque au sublime, là, vraiment. C'est une interprétation transcendante de leur nouvelle chanson, qu'on retrouve d'ailleurs plus tard sur leur album « Synchrone de néant ». Ouais. Ça, c'est pas mal pour des petits bums. Donc, 72, mm-hmm. C'est probablement à peu près le point culminant et le début du déclin des messes à gogo et de ce genre de spectacle-là, Sébastien Desrosiers. En quelque sorte, oui, parce qu'avant, on a vu des spectacles qui osaient, qui étaient audacieux, avant-gardistes vraiment. Et on développe une certaine vitesse de croisière avec les années 70. Et l'évolution de l'enseignement de la pastorale dans les années 70, loin des sous-sols d'église et dynamisée de quelques métissages spirituels, va signaler une nouvelle ère pour les messes rythmées qui reviennent vite au message initiale et à la dimension intimiste de la foi. La décennie va produire quand même une quantité impressionnante de groupes folk, chrétiens et de mystiques, tout droit venus des communes qui pollulent alors au Québec. Mentionnons aussi le prêtre Jean-Guy Morin, qui poursuivra l'œuvre des Oblats de Cap-la-Madeleine en autoproduisant plusieurs albums recueils et messes rythmées, tout comme le Diocesan Folk Music Camp, un programme musical qui existe entre 72 et 82 au camp King Cora de Saint-Adolphe d'Harward, où chaque été, des jeunes doivent se retrouver, apprendre, produire et enregistrer une nouvelle messe rythmée entièrement composée de créations originales. Donc ça continue, là, jusqu'au début, milieu des années 80, vous diriez? Je vous dirais que ça commence à s'essouffler à la fin des années 70 et au début des années 80. Et là arrive justement un grand happening et on reçoit au Québec le pape Jean-Paul II au Stade olympique de Montréal en septembre 84. Alors, c'est peut-être une des plus grandes manifestations, si on veut, de la messe rythmée. Il y a eu une journée complète de musique et de célébration. Sébastien Desrosiers, éditeur musical, blogueur spécialisé dans le patrimoine musical québécois. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.